suis sorti de mon trou seul, tout mais ce qu'on trouve dans la rue suspect. Mon flow à Sky à place Vendôme, casqué, bécane et suspect. Je les suce pas, tiens la rue dans ma main gauche, les catins se boitent. Changerai pas même si tu mets toutes les majors dans ma main droite. Tu fermes ta gueule, tu niques ta mère. Tu fermes ta gueule, tu niques ta mère. C'est le 9-3, ça tu cours au père. Ça tu fermes ta gueule, tu niques ta mère. Viens chercher les grands cassettes. On tient le choc, on vend cassettes. Pousse-toi de là, le gros je prends. Ça fait pas d'avance, ça vend. Tu me mets sur ma chute, chute, c'est que t'as pas vu mon frère. Frère, c'est tous des fils de pute, pute, jusqu'à preuve du contraire. Le 4-13, nique mon égaine, tu vas chercher, frère, on relâche. On ramasse des euros, au match, double, chassé, deux mots, thorax, ligue. Gasoman, bish, bish, I kick me the gasoman, gasoman, bish, bish, I kick me the gasoman, gasoman, bish, bish, I kick me the gasoman, gasoman, bish, bish. Avant de kicker, avant de rapper, je me fais payer, abandonner. Chico pété, grand frôné, tes équipiers vont t'abandonner. Abandonner, abandonner, ton équipe va t'abandonner. Tout ce que je veux, je le prends, ich, I kick middle, j'annonce avant de cogner.